Señores, les voy a decir quién soy. Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria. Je mets la queue sur la presse. Et ton commissaire, c'est nous les rois dans la tête. C'est fini la misère. J'ai localisé ton adresse. Mais peut-on attendre le go? Fallait pas faire trou dans la caisse. On joue pas les papitons. Je sais qu'ils vont venir à 6h. J'allume un joint et j'attends l'office. Si je prends 10 bouteilles dans la boîte, tu peux prendre un Ferrari Glomotis. Faut ramener mes sous-fils de pute. C'est pour ça que chaque jour on prend des risques. Faut que je mette la daronne à l'abri. C'est pour ça que chaque jour on prend des risques. Et les poches vides. Alors vite, on veut la Dolce Vita. À 20 pays, on a déjà des rides. Il paraît qu'on a ce que l'on mérite. On fait du pif pour le cramer. Dans une périne reprogrammée. On dit que ta mère, c'est le slogan. Bande de dépravés. Ennemis dans le viseur à 10h. On soigne les loaves comme ma petite sœur. Joue avec l'un ou l'autre, ta vie sera très courte comme un teaser. Un peu de cœur, un peu de talas, un peu de palas, un peu de damas, un peu de famas, un peu de rallye, ça brûle tes max, ça puis race. Je roule un joint dans le gros moteur, je crame les menteurs, je suis fort et volontaire. C'est pour ça mon mitard à Nanterre. On ira le prendre l'hélicoptère, dangereux comme les Pink Panthers. J'ai mes potes qui bossent à Anvers. Ouais, te vois devant moi, je te renverse. Toujours un Glock sous traverse. Hey. Je mets la queue sur la presse. Et ton commissaire, c'est nous les rois dans la tête. C'est fini la misère. J'ai localisé ton adresse. Mais peut-on attendre le go? Fallait pas faire trou dans la caisse. On joue pas les papitos. Je sais qu'ils vont venir à 6h. J'allume un joint et j'attends l'office. Si je prends 10 bouteilles dans la boîte, tu peux prendre un Ferrari Glomotis. Faut ramener des sous-fils de pute. C'est pour ça que chaque jour on prend des risques. Faut que je mette la daronne à l'abri. C'est pour ça que chaque jour on prend des risques. Saulnay sous bois 93, département criminel. Dans le rap game, y'a beaucoup de salopes comme la daronne d'Eminem. Les Anglais reviennent tous les jours, la blanche vient du Suriname. Fils de pute, chez nous y'a rien de subliminal. C'est que le début du commencement, ils ont tous cru que c'était fini. Si on se connaît, hop, viens pas me check en me disant wesh, bien quoi la famille. J'aime les femmes et les sapes de luxe, un peu comme Hippou Pafali. La couronne est sur mon crâne, c'est tous les jours l'épiphanie. E-W-M-A, U-T-M-A-S, les poulets tournent en rond dans le bendo. Les bastos sifflent dans le quartier, non, la rue c'est pas un jeu de Nintendo. Doucement mais sûrement, Matoko dans ce game t'es mon crescendo. Je laisserai aucune douille par terre, j'ai de tarpa roulette comme Django. Je mets la queue sur la presse. Et ton commissaire, c'est nous les rois dans la tête. C'est fini la misère. J'ai localisé ton adresse. Mais peut-on attendre le go? Fallait pas faire trou dans la caisse. On joue pas les papitos. Je sais qu'ils vont venir à 6h. J'allume un joint et j'attends l'office. Si je prends 10 bouteilles dans la boîte, tu peux prendre un Ferrari Glomotis. Faut ramener des sous-fils de pute. C'est pour ça que chaque jour on prend des risques. Faut que je mette la daronne à l'abri. C'est pour ça que chaque jour on prend des risques.